Si tu m'entends. Non. Ce soir je coule au fond. Le renard. Si tu m'entends. J'espère que tu m'entends, c'est la mine qui te parle. C'est moi. Et de là où t'es, je sais que tu me regardes. Ouais. Et tout va bien ici, je passe toujours à la Madeleine. Y'a Wassa qui va mieux, et aujourd'hui c'est toi le thème. Et je me défends comme tu le faisais en me roulant des niaques. Yeah. Aujourd'hui je fais du papier en trouvant des phases. Tu te rends compte? Tu t'imaginais pas ça. Quand j'étais qu'un passeur et qu'après tu me tabassais, hein. Bah ouais, j'ai volé comme toi. Bah ouais, j'ai chillé comme toi. Bah ouais, j'ai braqué comme toi. Bah ouais, j'ai teasé comme toi. Et je te dis ça pour t'honorer, pas pour régler des comptes. Non. Même si je te vois plus, j'ai pas pété les plombs. Jamais. Ton regard et ton sourire, des fois j'en fais des songes. Et c'est soit je fais comme toi, soit je jette l'éponge. C'est pas une chanson tapette, je suis pas là pour chialer. Et quand t'allais à la guerre, moi aussi je voulais y aller. Des fois je me rappelle des bons moments. Je fais les choses bien et je m'occupe des gamins. Tu m'entends? La ville, on se rappelle de ta légende. Et y'a que tes ennemis qui pouvaient dire que t'es méchant. Posé avec le gang, je me demande si tu m'entends. Et si j'ai écrit ça, c'est pour tes petits-enfants. Et la mort, elle m'a frôlé, voilà, ça m'a rendu fou. Dans ton cœur, y'avait de la glace, dans le mien, y'avait du feu. On n'aurait pas vécu tout ça, t'aurais pas perdu tes cheveux. Même pas besoin de se parler, juste un regard dans les yeux. Je porte ton nom et je le défends comme un guerrier. Ça va faire 12 ans et voilà que je suis même pas guéri. Tes anciens potes du café savent même pas où tu résides. Alors t'étonnes pas que je bédave la résine. Y'a un moment qui t'aime encore, voilà si tu savais. Et je regrette l'époque où tu passais des savons. Et je t'en veux même plus parce que tu t'es sauvé. Tu me manques, c'est tout. Des fois je me rappelle des bons moments. Je fais les choses bien et je m'occupe des gamins. Tu m'entends? Devant Netflix, ou bien même devant ma console. S'il te plaît, me laisse pas tout seul. Il faut que tu restes ma boussole. T'oublie pas devant Netflix, ou bien même devant ma console. S'il te plaît, me laisse pas tout seul. Il faut que tu restes ma boussole. C'est ça, j'ai coulé fond, si tu m'entends.